les difficultés que traverse notre société ne seront pas résolues par des mesures mal adaptées de l'étranger ou inspirées de régimes sécuritaires. Un mois de prison ferme pour avoir insulté le ministre de l'Intérieur, c'est la peine infligée à un jeune de 21 ans. Il avait pris à partie Nicolas Sarkozy lors de sa visite à Strasbourg lundi dernier. Sarkozy, tu nous fais chier, arrête de faire chier la banlieue. Pour ta vie, ferme les yeux, nous on évitera de brûler tes Champs-Élysées. Sans cesse, tu rabâches ton putain de coup de car cher. Mais mon pote, si tu le passes, tu vas prendre cher. Nous on n'est pas sales, c'est pas parce qu'on vient de la banlieue qu'on est tous des racailles. Arrête tes préjugés, change de ton quand tu parles dans ma cité. Tu fiches les gens comme dans un dossier. Mais Sarko, nous ne sommes pas juste des fichiers. Si t'en veux encore, viens le dire à la télé. Mais t'étonne pas si ta pièce on vient la cramer. Hey, tu nous négliges. On n'a pas tes prestiges, mais à 12 piges on a déjà le sens de la vie. Car ici c'est street life, nique Sarkozy. J'arrête ce genre de phrase, ou sinon je finirai censuré par le CSA. Merde, déjà fiché aux quatre coins de l'Europe, dans la merde jusqu'au bout, mais je m'en sors. Quoi qu'il arrive, j'avancerai vers les beaux jours, même si pour survivre je n'ai pas l'argent plutôt pour. La vie en France, sans souci de plus en plus. Tout ça, c'est à cause de tous ces coups de pub, tous ces coups de pute. Tu nous butes, tu nous percutes, tu détruis tout ce qu'on a toujours voulu. Franchement, mec, je te le dis cash. Tu fais tout ce bordel pour garder ta place. L'étranger te dérange car il n'est pas comme tu l'aimerais. Mais si tout le monde était comme toi, ici en France ce serait la guerre. Champ de bataille hier, champ de brune aujourd'hui. Plus on avance, plus le gouvernement est raciste. Merde, où va la France? Droit dans le mur, je vous le dis. Droit dans la guerre civile, droit dans la rue. Je rappe ce soir parce que je résiste. Mon rap c'est le requiem de la street. Jamais tu ne me feras pencher de ton côté. Y'a trop de choses que t'as fait qu'on ne peut te pardonner. Trop de bavures qui se visionnent sur internet, qu'elles soient policières, judiciaires ou arbitraires. Toutes ces choses qui font qu'on te hait, qu'on te baisse, qu'on t'insulte et qu'on te dise nique ta mère. Sarkozy, abandonne ton poste, quitte la politique et cherche-toi un job. Avec toi la France n'avance pas, elle recule, elle sombre, elle tombe dans l'ombre d'un grand puissant fond. La France entière regrette de t'avoir élu, car non seulement on pleure, mais en plus la haine perdure. Tu ne fais rien pour qu'elle s'arrête, qu'elle soit top, qu'on puisse enfin sortir de cet enfer. Pour finir en beauté, grand président égale grande crise. On a la preuve avec Obama et ses États-Unis. Ce qui veut dire qu'en France la crise est toute petite. Car ici, le président de la France a une taille minime. Bref, tout ça pour te le dire, Sarkozy on t'emmerde. Essaye un jour de venir me nettoyer au Karcher. Fuck Sarkozy, nique l'Elysée, nique le département. 91 Essonne, en prison